34e chapitre. Démolition du fort de la Fontenelle. Les bruits qui circulaient depuis longtemps n'étaient pas sans fondement. Le fort de l'île Tristan devait tomber cette année-là. Le roi, sollicité par Sourdéac, par le baron de Molac, ainsi que par plusieurs capitaines bretons qui avaient eu hautement à se plaindre de Guéder, commanda la destruction du fort de Douarnenez et des autres fortifications élevées sur ce territoire. À cet effet, des commissaires royaux furent envoyés en Bretagne avec mission de procéder sans délai à la démolition du fort. Quelques jours après la conversation que nous venons de rapporter, la Fontenelle apprit cette nouvelle. Plein de fureur, accompagné de Deromar et de Quilliec, il se rendit sur le champ à l'île Tristan. Là, il déclara à son lieutenant Laboule l'intention où il était de s'opposer à l'exécution des ordres du roi, et il lui fit savoir qu'il était résolu à soutenir un dernier siège dans son île. Tous les soldats de la garnison jurèrent de lui demeurer fidèles jusqu'à la mort. Les commissaires ne se firent guère attendre. Deux jours après, ils débarquaient à Douarnenez. Aussitôt son arrivée, leur chef demanda à parler au commandant du fort. La Fontenelle reçut les commissaires, la tête haute et menaçante. À peine eut-il pris connaissance de l'ordre dont ils étaient porteurs, lequel ordonnait la démolition immédiate des fortifications, que la rage s'empara de son cœur. À l'instant même, et comme s'il eût été encore le monarque de l'île Tristan, il pensa à faire lancer dans la baie les officiers du roi. Mais se ravisant tout à coup, il sut contenir sa colère. Seulement, il leur déclara qu'en sa qualité de gouverneur de Douarnenez, il s'opposerait à la destruction d'un fort à la garde duquel il avait été commis, objectant que sans doute le roi n'avait pu donner cet ordre que par erreur et sans réflexion, ou d'après les conseils de gens qui ne savaient pas apprécier l'utilité de ces fortifications. Il ajouta qu'il était certain, en se rendant à la cour, de persuader Henri IV et de lui démontrer l'importance de cette citadelle si une guerre venait à éclater avec l'Angleterre ou s'il était besoin de comprimer les Espagnols qui n'avaient pas encore abandonné les côtes de Bretagne. Après ces représentations, la Fontenelle leur annonça qu'il était décidé à partir le lendemain pour Paris. Il leur fit ensuite jurer de ne pas permettre qu'on touchât à rien avant son retour, qui ne devait pas être éloigné. Les commissaires, craignant d'irriter Guéder, prêtèrent serment et promirent tout ce qu'on voulut. Quant à lui, plein d'indignation, il se mit en route et arriva bientôt à Rennes, où le parlement de cette ville le fit immédiatement arrêter, comme s'étant opposé aux ordres du roi. Je me suis assuré par plusieurs notes extraites des archives de Saint-Brieuc que je dois à l'obligeance de M. Sicamois, archiviste des côtes du Nord, qu'en effet, après la pacification, non seulement Guéder fut fait prisonnier à Rennes, mais qu'il subit aussi une détention à Nantes. Après son départ, les officiers restés à l'île Tristan, furieux de la résistance qu'ils avaient éprouvée, s'étaient empressés de lancer leur plainte. Pendant la détention de la Fontenelle, son fort tombait sous le marteau des démolisseurs. Ceux-ci, pour ne pas être inquiétés dans leur œuvre de destruction, réclamèrent l'appui des garnisons de Brest, de Quimper et de Morlaix. Ces villes, loin de refuser leur concours, envoyèrent sur le champ des troupes pour contenir, s'il était nécessaire, les soldats qui se trouvaient à Douarnenez. Laboule, qui y commandait, n'eut garde de s'opposer à la démolition des fortifications. Au contraire, il s'entendit à ce sujet avec les agents du roi et leur dit que son devoir, en cette circonstance, était de se soumettre à leurs ordres. Peu de jours après, le même Laboule recevait du Béarnais des lettres d'abolition qui lui pardonnaient tous ses actes passés et le déchargeaient des crimes et des atrocités qu'il avait commis à Pontcroix. On peut voir cette lettre dans les preuves de l'histoire de Bretagne de Don Taillandier. Il lui était enjoint en même temps de sortir de la place. Le lieutenant tout joyeux se hâta d'exécuter ses ordres, mais craignant la vengeance de la Fontenelle, il songea à s'éloigner au plus vite de la Bretagne et à se diriger sur Paris dans l'intention de prendre du service dans l'armée royale. De Romard et Quilliac ne s'étonnèrent point de la perfidie de la boule. Ils déplorèrent des faits qu'ils étaient impuissants à empêcher. Aussitôt que la nouvelle de la démolition du fort de l'île Tristan arriva à Rennes, La Fontenelle fut mise en liberté. Le gouverneur lui fit dire qu'il était libre de sortir de la ville lorsqu'il le désirerait. Guéder, exaspéré de la conduite du Parlement à son égard, monta à cheval et prit le chemin de Beaumanoir-Eder, où il savait qu'Amaury se trouvait alors. Avant d'aller à Paris, il était bien aise de prendre conseil de son frère. De cette résidence où il apprit la destruction de son fort, il écrivit à Marie pour la rassurer sur son absence, sans pourtant lui faire part de la détention qu'il venait de subir.